Unité 24. Conversation. Écoutez. 1. Marie a-t-elle de bons résultats à l'école? 2. Non, ses résultats ne sont pas excellents. 3. Qu'en pense son professeur principal? 4. Elle pense qu'elle ne travaille pas assez. 5. C'est ton avis? 6. Non, je suis sûre qu'elle s'applique. 7. Pense-t-elle passer en troisième à la fin de l'année? 8. Oui, elle pense qu'il n'y a pas de problème. Répondez, répétez. 9. Marie a-t-elle de bons résultats à l'école? 10. Non, ses résultats ne sont pas excellents. 11. Qu'en pense son professeur principal? 12. Elle pense qu'elle ne travaille pas assez. 13. C'est ton avis? 14. Non, je suis sûre qu'elle s'applique. 15. Pense-t-elle passer en troisième à la fin de l'année? 16. Oui, elle pense qu'il n'y a pas de problème. Écoutez. Marie a-t-elle eu de bons résultats à l'école? Non, ses résultats n'ont pas été excellents. Qu'en pensait son professeur principal? Elle pensait qu'elle ne travaillait pas assez. C'était ton avis? Non, j'étais sûre qu'elle s'appliquait. Pensait-elle passer en troisième à la fin de l'année? Oui, elle pensait qu'il n'y avait pas de problème. Répétez. 17. Marie a-t-elle eu de bons résultats à l'école? 18. Non, ses résultats n'ont pas été excellents. 19. Qu'en pensait son professeur principal? 20. Elle pensait qu'elle ne travaillait pas assez. 21. C'était ton avis? 22. Non, j'étais sûre qu'elle s'appliquait. 23. Pensait-elle passer en troisième à la fin de l'année? 24. Oui, elle pensait qu'il n'y avait pas de problème. Répondez, répétez. 25. Marie a-t-elle eu de bons résultats à l'école? 26. Non, ses résultats n'ont pas été excellents. 27. Qu'en pensait son professeur principal? 28. Elle pensait qu'elle ne travaillait pas assez. 29. C'était ton avis? 30. Non, j'étais sûre qu'elle s'appliquait. 31. Pensait-elle passer en troisième à la fin de l'année? 32. Oui, elle pensait qu'il n'y avait pas de problème. Écoutez. 33. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? 34. Aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre. 35. Que fait Anne pendant que son frère écoute un disque? 36. Pendant que son frère écoute un disque, Anne joue à la poupée. 37. Que fait Madame Dupont pendant que ses enfants sont à l'école? 38. Pendant que ses enfants sont à l'école, Madame Dupont fait ses commissions. 39. Que fait Monsieur Martin pendant qu'il regarde la télé? 40. Pendant qu'il regarde la télé, Monsieur Martin fume sa pipe. Répondez, répétez. 41. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? 42. Aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre. 43. Que fait Anne pendant que son frère écoute un disque? 44. Pendant que son frère écoute un disque, Anne joue à la poupée. Que fait Madame Dupont pendant que ses enfants sont à l'école? 46. Pendant que ses enfants sont à l'école, Madame Dupont fait ses commissions. Quarante-sept. Que fait Monsieur Martin pendant qu'il regarde la télé? 48. Pendant qu'il regarde la télé, Monsieur Martin fume sa pipe. Écoutez. Quel jour étions-nous d'hier? Hier, nous étions le 24 octobre. Que faisait Anne pendant que son frère écoutait un disque? Pendant que son frère écoutait un disque, Anne jouait à la poupée. Que faisait Madame Dupont pendant que ses enfants étaient à l'école? Pendant que ses enfants étaient à l'école, Madame Dupont faisait ses commissions. Que faisait Monsieur Martin pendant qu'il regardait la télé? Pendant qu'il regardait la télé, Monsieur Martin fumait sa pipe. Répétez. 49. Quel jour étions-nous d'hier? 50. Hier, nous étions le 24 octobre. 51. Que faisait Anne pendant que son frère écoutait un disque? 52. Pendant que son frère écoutait un disque, Anne jouait à la poupée. Que faisait Madame Dupont pendant que ses enfants étaient à l'école? 54. Pendant que ses enfants étaient à l'école, Madame Dupont faisait ses commissions. 55. Que faisait Monsieur Martin pendant qu'il regardait la télé? 56. Pendant qu'il regardait la télé, Monsieur Martin fumait sa pipe. 57. Quel jour étions-nous d'hier? 58. Hier, nous étions le 24 octobre. 59. Que faisait Anne pendant que son frère écoutait un disque? 60. Pendant que son frère écoutait un disque, Anne jouait à la poupée. 61. Que faisait Madame Dupont pendant que ses enfants étaient à l'école? 62. Pendant que ses enfants étaient à l'école, Madame Dupont faisait ses commissions. 63. Que faisait Monsieur Martin pendant qu'il regardait la télé? 64. Pendant qu'il regardait la télé, Monsieur Martin fumait sa pipe. 65. Il y a longtemps que nous n'allons plus à la Plagne. 66. Je me rappelle que nous y étions tous les ans à Noël. 67. Nous allions toujours à Plagne Hôtel. 68. Nous faisions du ski. 69. Les enfants skiaient aussi. 70. Et nous revenions ravis de notre séjour. Écoutez. Depuis quand n'allez-vous plus à la Plagne? Il y a longtemps que nous n'allons plus à la Plagne. À quelle période y étiez-vous? Je me rappelle que nous y étions tous les ans à Noël. À quel hôtel alliez-vous? Nous allions toujours à Plagne Hôtel. Faisiez-vous du ski? Oui, nous faisions du ski. Les enfants skiaient-ils aussi? Oui, les enfants skiaient aussi. Et vous reveniez ravis de votre séjour? Oui, et nous revenions ravis de notre séjour. Répétez. 71. Depuis quand n'allez-vous plus à la Plagne? 72. Il y a longtemps que nous n'allons plus à la Plagne. 73. À quelle période y étiez-vous? 74. Je me rappelle que nous y étions tous les ans à Noël. 75. À quel hôtel alliez-vous? 76. Nous allions toujours à Plagne Hôtel. 77. Faisiez-vous du ski? 78. Oui, nous faisions du ski. 79. Les enfants skiaient-ils aussi? 80. Oui, les enfants skiaient aussi. 81. Et vous reveniez ravi de votre séjour? 82. Oui, et nous revenions ravis de notre séjour. Répondez, répétez. 83. Depuis quand n'allez-vous plus à la Plagne? 84. Il y a longtemps que nous n'allons plus à la Plagne. 85. À quelle période y étiez-vous? 86. Je me rappelle que nous y étions tous les ans à Noël. 87. À quel hôtel alliez-vous? 88. Nous allions toujours à Plagne Hôtel. 89. Faisiez-vous du ski? 90. Oui, nous faisions du ski. 91. Les enfants skiaient-ils aussi? 92. Oui, les enfants skiaient aussi. 93. Et vous reveniez ravi de votre séjour? 94. Oui, et nous revenions ravis de notre séjour. Écoutez. Hier, je t'ai téléphoné. Tu n'étais pas à la maison? Non, j'étais allé à la fac. Qu'avais-tu à y faire? J'avais un cours de physique. Que voulais-tu? Je voulais te demander si tu pouvais me prêter le cours d'histoire. Histoire. Répétez. 95. Hier, je t'ai téléphoné. Tu n'étais pas à la maison? 96. Non, j'étais allé à la fac. 97. Qu'avais-tu à y faire? 98. J'avais un cours de physique. 99. Que voulais-tu? 100. Je voulais te demander si tu pouvais me prêter le cours d'histoire. répondez, répétez. 101. Hier, je t'ai téléphoné. Tu n'étais pas à la maison? 102. Non, j'étais allé à la fac. 103. Qu'avais-tu à y faire? 104. J'avais un cours de physique. 105. Que voulais-tu? 106. Je voulais te demander si tu pouvais me prêter le cours d'histoire.